Chapitre 141. La tradition, la sunna, requiert pour celui qui demande l'autorisation d'entrer de se présenter par son nom ou son surnom. Répondre par exemple « c'est moi » à celui qui nous interroge est déconseillé. 874. Anas, radiyallahu anhu, dans le célèbre hadith sur le voyage nocturne, al-Isra, rapporte que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Puis Jibril, l'ange Gabriel, me fit accéder au ciel le plus proche et demanda qu'on ouvre la porte. « Qui est-ce » demanda-t-on. « Gabriel, » répondit-il. On demanda « Qui est avec toi ?»« Muhammad, » dit-il. Il monta alors au deuxième, troisième, quatrième, puis aux autres cieux, et à la porte de chaque ciel, on lui demandait « Qui est-ce ?» et il répondait « Gabriel. » Al-Bukhari et Muslim. 875. Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporte « Je suis sorti une nuit lorsque soudain j'ai aperçu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, marchant seul. Je me suis alors mis à marcher derrière lui au clair de la lune. Il tourna la tête, me vit et dit « Qui va là ?»« Abu Dharr, » répondis-je. » Al-Bukhari et Muslim. 876. Umhani a dit « J'ai rendu visite au prophète, alayhi salatu wassalam, que j'ai trouvé en train de se laver, Fatima sa fille, le mettant à l'abri des regards à l'aide d'un vêtement. » Il dit « Qui est-ce ? C'est moi, Umhani, » répondis-je. Al-Bukhari et Muslim. 877. Jabir, radiyallahu anhu, a dit « Un jour, j'ai frappé à la porte du prophète, alayhi salatu wassalam, qui demanda « Qui est-ce ? C'est moi, » répondis-je. « Moi, moi, » répéta-t-il, comme s'il n'avait pas apprécié ma réponse. Al-Bukhari et Muslim. 878.